pa pa pa. Pour danser le twist, puis pas le twist. Pa pa pa pa pa pa pa pa. On résiste. Oh, puis pas le twist. Pa pa pa pa pa pa pa. Tourne et tourne avec moi. Tourne et tourne. Tourne et là. Dalida tourne, on y va. 1, 2, 3, viens. 1, 2, 3, viens. Nous dansons le twist, puis pas mes twists. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Avec les copains, on met en train. Pa pa pa pa pa pa pa pa. Vas-y Dani, c'est parti. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Tournez, c'est gagné, vous l'avez. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Rien ne résiste, oh, puis pas mes twists. Pa pa pa pa pa. Ça va chauffer, ça va chauffer. Si vous restez. Avec moi, avec moi, avec moi, avec moi.